أولا نسد انتقادات عليه ما يتعلق بالعقيدة وخاصة الولاء والبراء. قال هداه الله. Donc le premier point des choses qui cite. والله c'est un كلام خطير جدا. C'est un كلام العجيب أن هذا الأخ ces derniers temps il appelle beaucoup à ne pas se précipiter. Il a fait une khutba في هذا, il fait des muhadarat, يتكلم. Ne pas se précipiter, il faut prendre son temps, il faut revenir aux savants, il faut étudier, il faut... Et هذا الكلام, il est fondé sur quoi? Il est fondé sur le Coran, il est fondé sur Sunna, il est fondé sur la précipitation, sur le manque de patience. فَمَثَلًا قَوْلُ délaisse-moi cette haine envers les musulmans. On a dit, et envers les non-musulmans ainsi, aussi. فَالْأَنْ il a fait une kalima, pourquoi tant de haine? Et il appelle à, il faut délaisser la haine envers les musulmans. Ça c'est kalimat haq. Il ne faut pas avoir le bord envers son frère, bien sûr, avec des qoyoud qu'on ne détaillera pas ici. Lakin, ce qui nous intéresse, nahnu, c'est son kalam. Et envers les non-musulmans aussi. Est-ce que هذا الكلام الآن, il est mabni ala kitab Allah wa ala sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam? هذا الكلام الآن, il est khatir. قال عز وجل, قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الآن, شباب, ils écoutent هذا الكلام. Des jeunes. Beaucoup d'ajim qui ne maîtrisent pas la langue arabe, qu'ils n'ont pas étudié, et ils te font confiance. Wa tes kalam, بعض الناس ils ne prennent que ceux du haq. فاتق الله امانه, c'est une amana. Et الوقوف بين يدي الله عز وجل, c'est pas simple, sauf pour celui à qui Allah est facilité. فapèse tes mots. Et envers les non-musulmans aussi. قال الله سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. تأملوا هذه الآية. Et envers les non-musulmans aussi, et délaisse-moi cette haine. La haine qu'on a envers le kafara, c'est l'Illahi Azza wa Jal. Tadhan, on va la délaisser pour toi. Délaisse-moi cette haine. Nahnu, on dit délaisse-moi هذا الجهل. Délaisse-moi al-qawl bil-ilm. Wa al-tasaddur fi al-da'wa. Alors que tu n'as pas les épaules, tu n'as pas l'ilm. Wallahi, nahnu, on dit ça, c'est min bab al-rahma. Et al-akh, souvent, il dit ne pas se précipiter. Et la rahma. Soyez ouvert. Al-rahma. Al-rahma bik. C'est que tu préserves ta langue. مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Tu auras des comptes à rendre. Et on aura tous des comptes à rendre. فَاتَّقِ اللَّهِ. قال عز وجل قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمٌ. Et on a tous un exemple, un bel exemple dans notre prophète Ibrahim. عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَالَّذِينَ مَعَهُ. Et les gens, كذلك, les croyants qui étaient avec lui. إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ. Qu'est-ce qu'ils ont dit à leur camp? Inna bura'a'u minkum. On se désavoue de vous. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Lahidhu. Lahidhu. Anna fi hadhihi al-aya. Et ça, c'est une faïda nafisa. Dhakaraha ba'du ahli al-ilm. Anna Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité le bara'atu min al-kuffar avant le bara'atu min al-kuffar. Léanna, si tu te désavoues des kuffars, automatiquement tu te désavoueras du kuffar qu'il a. Lakin, tu peux te... Ouad al-Nas, il se désavoue. Il prétend se désavouer du kufr. Et quand c'est la personne, il te dit là. Il faut être doux, il faut être miséricordieux. C'est des êtres humains. Qala azza wa jal, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Bura'a min ha'oula al-akhiyar. Est-ce que nous, on n'a pas le droit d'appliquer ça? Ben Allah subhanahu wa ta'ala ya'muruna. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Notre exemple, c'est Ibrahim. Notre espérance, c'est qu'Allah soit satisfait de nous. Pas un tel ou un tel min al-kafar. Qala azza wa jal, kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al-adawatu wal-baghda. Cette haine que t'appelles, qu'on la délaisse envers les non-musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit de suivre Ibrahim dans cette haine envers les kuffars. On va suivre qui l'âme? Qala azza wa jal, وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Ça nous montre que العداوة, le بغضاء qui est entre nous et le kafara, cette haine qui est entre nous et le kafara, c'est jusqu'à qu'il rentre fi dinillah. Ça, ça nous montre qu'on ne les déteste pas parce qu'ils nous détestent. On ne les déteste pas parce qu'ils ont pris telle terre. Ou parce qu'ils font du mal. On les déteste parce que c'est des cafards. Donc, tant que cette illa, elle est maujouda, et cette chose, la cause, elle est présente, elle couvre, automatiquement, le musulman, il doit les détester. Délaisse-moi cette haine. Abadan. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana ala hadha al-mu'taqad. Qala al-imam ibn Jarir al-Tabari rahmatullah alayhi. فكذلك أنتم أيها المؤمنون بالله فتبرؤوا من أعداء الله من المشركين به ولا تتخذوا منهم أولياء حتى يؤمنوا بالله وحده. كلام إمام المفسرين. إمام المفسرين ابن جرير الطبري. هنا أخذت أن dans cette réplique, dans ces intiqadat qu'on fait à ce frère, on citera que des imams من المتقدمين ou min al-malikiyya, tout ça pour montrer à ce frère, et inshallah c'est une forme de rob lui-même, tout ça pour montrer à ce frère, souvent il dit, certains jeunes, et ils visent al-sunnah, salafiyyoun, certains jeunes, ils comprennent les textes eux-mêmes, ils ont délaissé la voix des grands imams, wa yirmaz kathiran fi ulama al-ulama al-mu'asirin, wa nahnu l'an, on te cite à Imma ibn Jarir, il a compris le verset, avec ce qu'on vient de citer, fa aina ant de cette compréhension. Fatruk at-talbis. Anna faire croire anna ces jeunes, ils se précipitent, ils ont une compréhension, personne n'a compris comme eux. Nahnu on va te citer des choses mujma' alayha bayna ahli al-'ilm. L'unanimité des savants. Wa may yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Celui qui délaisse la voix de Ha'oula, Al-A'imma, la voix de Ahlul Iman, c'est un bab d'égarement. Et c'est une route pour Jahannam, Fattaqillah. Qala ibn Jarir, rahmatullah alayh, hatta yu'minu billahi wahda, wa yatabarra'u, qala, na'am, ma siwa, wa azharu lahum al-adawatu, wal-baghda, wa azharu lahum, al-adawatu wal-baghda. Ibn Jarir, il te montre, فَكَذَلِكَ أَنْتُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. Vous aussi, mes frères, fillah. Il montre, Ibn Jarir, vous aussi, mes frères, fillah, vous devez être comme Ibrahim et ceux qui l'ont suivi. Et parmi ces choses, وَأَظْهَرُوا لَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ. Clairement, أَنَّكَ tu les aimes pas et tu les détestes. Comme ils te détestent. Et eux, ils nous détestent, بِبَاطِلْ نَحْنُوا les détestent, بِحَقْ. قَدْ يَقُلْ قَائِلْ mais ce frère, il a beaucoup d'auditeurs. Khasatan, il lui met des pressions. Il ne peut pas citer certaines choses, ça peut lui faire du mal. Tu peux ne pas citer certaines choses. Lakin, qui c'est qui t'a dit de citer du batil? Même, tu ne peux pas dire ces choses. Ne les dis pas. Lakin, dire l'inverse et critiquer ceux qui peuvent, ceux qui font, ce n'est pas minat tawfiq. Qala ibn Kathir, rahmatullah alayhi, fi tafsiri, ya'ni. Aïe, le verset qu'on a cité, min surat al-Mumtahina. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء قال ابن كثير يعني وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم ما دمتم على كفركم فنحن أبدا نتبرأ منكم ونبغضكم كلام ابن كثير رحمة الله عليه أي أبدا on restera sur ça tant que vous êtes des kafara on se désavoue de vous et on vous détestera. الآن délaisse-moi cette haine envers les non-musulmans. On a kalam Allah, on a kalam al-a'imma, et lis les tafasir. Truc les paroles d'un tel ou un tel. L'anna huwa kathiran, on précise, anna kathiran, il dit, les certains, ils disent certains. C'est qui ces certains? Et si tu vises certains frères qui se sont trompés, la rahma que tu prétends toujours envers le kafara et envers le fasaqa, pourquoi t'as pas de la rahma pour ton frère? Il s'est trompé, si t'as du ilm, montre-lui. Amahoua, il peut prendre l'erreur de Wahed, de certains de nos frères, et il dit certains. Nahnu l'an kalam l'a'imma baynana ayyuhal akh. Kalam wadih kitab wa sunna. Celui qui se trompe, il revient au haqq. Wa rawa al-imam Abu Dawood, rahmatullah alayhi, an Abi Umama, radiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, qala, man ahabba fillah, wa abghada fillah, wa abghada lillah, wa a'ta lillah. ومنع لله فقد استكمل الإيمان الحديث اللي صحيح من أحب في الله وأبغض لله ça montre قوة الإيمان. Pourquoi tu veux qu'on la délaisse? وفي مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أوثق عرى الإيمان أي الإيمان le plus solide أن تحب في الله وتبغض في الله هذا قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فنطخ أسوة نطخ قدوة سنطخ prophète صلى الله عليه وسلم il nous démontre l'importance de aimer et de détester. Aimer al-mu'minin, détester, avoir la haine envers le kafir. Kadhalik, une autre uswa, Ibrahim, alayhi salam, un autre exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite, yaqul, wabada baynana wa baynakum al-adawatu wal-baghda. C'est ça le haqq, mais Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Wa an ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qal, man ahabba fillah, wa abghada fillah, wa wala fillah, wa aada fillah, فإنما تنال ولاية الله بذلك أي les hauts degrés celui que c'est un wali لله سبحانه وتعالى أي الله سبحانه وتعالى il l'aime il le rapproche il le guide il le secourt c'est quoi la cause pour devenir un wali لله سبحانه وتعالى من أحب في الله وأبغض في الله فلا تخف ومن يتق الله يجعل له مخرجا لا تخف les pressions oh ils vont faire oh ils ont dit Si t'es un wali, lillahi subhanahu wa ta'ala, fal amru ila lillahi subhanahu wa ta'ala min qabl wa min ba'd. Fa qawluhu, soyez ouvert. Il le répète souvent. Pourquoi tant de haine? Ou la tolérance? Tout ça, est-ce que c'est compatible avec Al-Kitab? Est-ce que c'est compatible avec les hadiths qu'on a cités? Est-ce que c'est compatible avec Nahj al-Sahaba, la voix de Sahaba? On laisse à l'auditeur la réponse.